Animal bonjour. Poésie dada. L'écriture poétique libère du conditionnement de la langue compromise. Ça oppose l'artiste créateur à l'homme, sale, qui détruit. La con aux ailes de cire rouge en fleurs. Mon calendrier bondit médicament astral d'inutile amélioration. Se dissout à la magie allumée de mon air capital. J'aime les accessoires de bureau par exemple. À la pêche des petits dieux, tu donnes de la couleur et de la classe. Pour le chat-chat odorant où c'est tout à fait égal. Sur la piste très conforme de l'âme et du muscle, oiseau crâne. Tristan Zara, Vincent Lafoël. Tristan Zara est sans aucun doute le dada qui a le plus profondément changé la poésie. Certains de ses poèmes de son recueil intitulé 25 poèmes sont totalement dénués de sens et les rimes disparaissent pour donner forme à une suite de mots sans logique apparente. Une typographie rigoureuse met en relief le nom des 25 poèmes. Son penchant pour les sonorités le rapproche des poèmes rêves qui passionnent les dadaïstes. Il ironise lui-même sur la façon dont on peut faire un poème dada. Petit ami, allons mes copains coquins. Décrocher. Pour faire un poème dadaïste, Tristan Zara, 1916. Prenez un journal. Prenez des ciseaux. Choisissez dans le journal un article ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème. Découpez l'article. Découpez ensuite avec soin chacun de mots qui forment cet article et mettez-les dans un sac. Agitez doucement. Sortez ensuite chaque paupière l'une après l'autre. Copiez consciencieusement dans l'ordre où elles ont quitté le sac. Le poème vous ressemblera. Et vous voilà à l'écrivain infiniment original et d'une sensibilité charmante, encore qu'incomprise du vulgaire. Ce texte montre parfaitement que la poésie dada se base sur le hasard et non sur un résultat voulu. La poésie vue par les dadas ne doit plus être esthétique. C'est pour cette raison qu'ils vont modifier la typographie et inverser certains vers afin de renouveler la poésie, d'en ressortir une autre forme. C'est l'esprit dadaïste qui se retrouve dans ses caractéristiques. D'autres poètes que Clara, Aragon par exemple, se sont également lancés dans l'écriture de poèmes à la façon dada. Chacun apportant une nouveauté qui sera ou pas reprise dans d'autres poèmes. Un des grands changements qu'a apporté le dadaïsme dans la poésie, c'est le poème phonétique. Cela consiste à déclamer non pas des poèmes mais des sons. Les mots sont souvent des néologismes, ce qui renforce le côté absurde de reflet et le mouvement contestataire. C'est Hugo Ball qui a le premier créé ce type de poème qu'apparaît Voltaire. Il s'agit de revenir à l'alchimie la plus intime du mot et même la dépasser pour préserver à la poésie son domaine le plus sacré. Il déclame avec un costume, avec une coiffe de chaman cylindrique aux rayons bleus et blanches, qu'il a décrit comme, liste, ses poèmes de mots abstraits. Les poésies dada sont publiées dans les revues créées par les dadaïstes. C'est dans ces livres que se trouvent l'idéologie et la pensée dadaïste ainsi qu'une grande diversité de formes d'art. C'était une sélection radio parasite. À bientôt et grosse bise numérique.